Monsieur Mathias par Jules d'Hermina. Quand on apprit la mort de Monsieur Mathias, ce fut, dans la petite ville de Lire-sur-Is, une surprise générale. Un homme de 45 ans à peine, robuste, droit comme un lit, et qui, voyez la malchance, avait épousé, il y avait de cela 3 ans à peine, une jeune fille de 20 ans, la propre nièce du receveur des contributions, une femme charmante, et qu'il aimait comme un fou. Naturellement, M. Mathias, étant mort, passait maintenant pour avoir eu de son vivant toutes les vertus. Il eût fait beau le traiter comme naguère d'usurier et de fesse-Mathieu. Qui se serait imaginé de rééditer certaines histoires relatives à ce fameux mariage, et qui n'était guère à son honneur, qui même eût rappelé la terreur vague qu'inspirait ce grand bonhomme aux allures sournoises, riche et avare, et qui occupait, disait-on, ses loisirs à manipuler un tas de drogues vénéneuses qu'il expérimentait sur des chiens. Il était bien question de cela. Il était mort, paix à son âme. Du reste, en y réfléchissant de plus près, cette mort était-elle si extraordinaire? Évidemment, M. Mathias avait des pressentiments. N'avait-il pas fait reconstruire tout dernièrement, par des ouvriers appelés exprès de Paris, la chapelle de famille qui attendait, au cimetière, ses restes mortels? De plus, depuis quelque temps, on avait constaté qu'il paraissait inquiet. Il rôdait autour de sa propre maison, comme s'il eût redouté des voleurs mystérieux. Il séquestrait sa femme, il s'enfermait pendant des semaines entières dans le laboratoire dont la cheminée flambait la nuit. « Prodrome d'un accident cérébral !» disait d'un air entendu le docteur Labarre, qui avait conclu à une apoplexie séreuse. Bref, on avait fait à M. Mathias des obsèques magnifiques. Le tiers de la population l'avait accompagné à sa dernière demeure, et quelques yeux s'étaient mouillés, alors qu'on avait descendu dans la crypte de la chapelle funéraire, le cercueil de chêne, vrai monument, où 2 hommes de sa taille auraient dormi à l'aise. On s'en revint en se demandant ce que deviendrait la veuve de M. Mathias. Or, la vérité, c'est que M. Mathias n'était pas mort. 2 heures après la cérémonie, on aurait pu voir ceci dans le sous-sol où la bière avait été descendue. 2 petits bruits secs avaient résonné, comme le déclic d'un ressort, et le cercueil s'étant ouvert comme une armoire, M. Mathias s'était mis sur son séant, se détirant comme un homme qui s'éveille. D'une ouverture grillée ménagée dans la paroi supérieure, un peu de lumière tombait. M. Mathias s'est élevé tout à fait, frottant lentement ses genoux un peu ankylosés. En somme, il se sentait très bien, très confortable. La dose de narcotique qu'il avait absorbée, après l'avoir soigneusement mesurée, avait justement produit l'effet désiré. On l'avait cru mort, on l'avait enterré, tout était pour le mieux. De longue date, M. Mathias avait pris toutes ses précautions. Le fond du caveau était machiné très intelligemment. Il y avait là des vêtements convenables, des provisions de bouche, quelques bouteilles de bon vin, tenues très fraîches, comme chacun peut le supposer. Et comme rien ne creuse plus l'estomac qu'un enterrement, voire même le sien, M. Mathias, commodément assis sur son cercueil, cassa une croûte, en buvant à l'avenir. Car il est temps de dire pourquoi M. Mathias était là, à 6 pieds sous terre, de sa propre volonté. Comme toujours, c'était une histoire de femme. Chaste jusqu'à 40 ans, M. Mathias, ancien pharmacien, enrichi par les pilules antispasmiques, s'était épris de la charmante Anne Piedefer, nièce du receveur de Lire-sur-Is. Il s'était nettement proposé à la jeune fille qui, non moins nettement, l'avait refusé, ce qui l'avait rendu amoureux comme un imbécile, pardon, comme un homme de 40 ans qui s'avise d'être amoureux. Étant de nature déshonnête, il avait enserré le receveur dans des trames si habiles que le malheureux, au bout d'un an, sachant que la caisse gouvernementale n'était plus intacte, songea sérieusement au suicide. Alors M. Mathias apparut en sauveur et posa ses petites conditions. La nièce se sacrifia pour l'oncle qui lui avait tenu lieu de père, et cela malgré des liens très étroits avec un clerc de notaire de la ville voisine. Victime douloureuse, Anne devint Madame Mathias. Elle avait subi jusqu'au bout toutes les conséquences de cette catastrophe. Mais M. Mathias, se rendant justice, avait la conviction qu'elle le haïssait. De là à se croire trompé, comme il le méritait, il n'eut qu'un pas. Le soupçon dégénéra chez lui en monomanie. Sa femme ne sortait jamais, nul ne venait chez sa femme. N'importe. M. Mathias s'accusait de maladresse. S'il ne prenait pas sa femme en flagrant délit, c'est qu'il n'était qu'un niais. Alors cette idée lumineuse avait surgi dans son cerveau, simulé un voyage, mais non pas à Versailles ou au Havre, comme les maris de comédie, un voyage beaucoup plus long et d'où le retour paraîtrait beaucoup plus difficile. Et il reviendrait, très vivant, une de ces nuits, et confondrait l'infidèle. Il s'était donné 3 jours, et pensait à tout cela, satisfait, en se recouchant confortablement dans son cercueil. Le 3e jour venait de finir. M. Mathias se sentait impatient. Il attendit que l'horloge du cimetière sonnât 11 heures. C'était le moment. Le plan était bien combiné. Les murs du cimetière touchaient à sa propriété. Il avait là de quoi s'habiller tout en noir, en pharmacien spectral. Il s'envelopperait du suaire dans le cimetière seulement, respect de la couleur locale. Une fois le mur franchi, il irait tout droit à la chambre de sa femme, on verrait bien. M. Mathias fit sa toilette, puis, tout en étant disposé ad hoc, il fit basculer la pierre tombale, grimpa dans la chapelle supérieure, ouvrit la porte et se trouva dehors, son suaire sous son bras. Une fois dans l'allée, il déplia le vaste drap blanc et le lança en rond pour se l'appliquer aux épaules. Mais les plis étaient lourds, il manqua son coup et dut recommencer. « Attendez !» dit une voix derrière lui, « je vais vous aider. » Il faudrait ne s'être jamais trouvé à minuit, essayant de mettre son suaire dans un cimetière, pour ne pas comprendre combien cette surprise était désagréable. Celui qui parlait était le gardien du lieu, le père Grimbaud, un original très connu au cabaret d'alentour. Il s'était approché de M. Mathias, et le regardant sous le nez, avait dit « Comment, c'est vous, M. Mathias, déjà ?» M. Mathias, assez embarrassé, essayait de s'entortiller, pensant qu'une apparence sinistre le débarrasserait de cette fâcheuse rencontre. Mais point. Grimbaud lui donnait bénévolement un coup de main et arrangeait le linceul à la bonne mode. « Je sors de ma tombe, » commença M. Mathias d'une voix sépulcrale. « Je le vois bien, » interrompit Grimbaud. « Vous êtes bien plus pressé que les autres. » M. Mathias n'écoutait pas. Maintenant il marchait à grandes enjambées sur la pointe des pieds en fantôme. Grimbaud marchait à côté de lui, continuant. « Oui, les autres, ça ne les prend pas tout de suite, seulement au bout d'un mois ou deux. » M. Mathias se retourna brusquement, agitant ses 2 bras. « Va-t'en, sacrilège, va-t'en !»« Allons, allons !» fit Grimbaud, devenu paternel. « Je ne vous gêne pas, vous allez vouloir vous promener un peu, comme les camarades. » M. Mathias, troublé, alla droit devant lui, dédaignant de répondre. Il apercevait dans l'ombre la porte du cimetière. Homme de précaution, il avait quelques louis dans sa poche. « Pas de phrase, » dit-il en tendant 2 pièces à Grimbaud. « La clé !» Grimbaud recula d'un pas. « La clé ? Tu veux sortir ?» Il devenait familier. « En voilà une fantaisie !»« Ah, mais pas de ça !»« 4 louis !» gémit M. Mathias. « Tu sais, toi, » reprit Grimbaud, « ne recommence pas où je cogne. Que tu sors de ta chapelle, que tu te promènes, je ne m'y oppose pas. Les autres aussi sortent. « Les autres qui ? Les autres ?» Grimbaud eut un geste large. « Les morts, donc ?»« Les morts ? Qu'est-ce qui te parle des morts ? Je suis vivant, moi, vivant ?»« Ouais. » »« La plaisanterie est forte. Mais tiens, je suis brave homme. Viens prendre un verre. » Sa main s'abattit comme une pince sur le poignet de M. Mathias, qui l'entraîna jusqu'au petit bâtiment où il logeait. Il le poussa dans une pièce du rez-de-chaussée. M. Mathias s'était abasourdi, littéralement. Grimbaud avait poussé la porte, pris une bouteille sur un dressoir, ayant empli 2 verres, avait levé le sien en disant « À la vôtre, monsieur Mathias !»« Écoute-moi, mon brave, » dit monsieur Mathias. « Tu veux plaisanter, soit. Seulement, il y a un temps pour tout. Tu sais très bien que je suis vivant. Pour des raisons personnelles, je me suis laissé enterrer. Mais j'ai besoin de sortir pour affaires graves. Je te payerai bien, sois tranquille. » Tandis qu'il parlait, Grimbaud avait lentement tourné autour de la table et était venu s'adosser à la porte. « Tu causes bien, » ricanait-il. « Ah, tu es vivant. »« Tu n'es pas le premier qui m'ait dit ça. J'en entends de si drôles. Vois-tu, j'aime mes subordonnés. Toutes les nuits, il y en a 1 ou 2 qui viennent prendre un verre, sans façon. Hier, c'était le notaire. Tu sais bien, Radel, ton voisin, celui qui a la colonne brisée. Avant-hier, c'était Madame Claudin, une belle femme. Je suis Bondry. Je la laisse prendre l'air la nuit, je fais un bout de causette, mais les laisser sortir, ce serait du propre. » M. Mathias devenait hagard. Grimbaud parlait avec un sang-froid parfait, en fonctionnaire responsable. Il était de taille moyenne, trapu, avec des mains de gorille. Ses yeux étaient noirs, brillants. Monsieur Mathias eut un frisson. Cet homme était fou. Oui, c'était bien cela. Il avait des visions. Il croyait son cimetière peuplé de revenants. Il vivait dans un monde fantastique créé par son imagination d'ivrogne. Il confondait, oui, parole d'honneur, il confondait. Monsieur Mathias se mit à parler, à plaider, à promettre, à supplier. Comment ? Le bon, l'intelligent Grimbaud pouvait le prendre pour un vrai mort ? Il éclata de rire. « Assez !» fit Grimbaud d'une voix brève. « Tu n'es pas raisonnable, il faut rentrer !»« Rentrer, où ça ? Chez toi, donc, à l'angle de la troisième division ?»« Dans le tombeau ? Jamais ! Tu ne veux pas ?»« Une fois ? Deux fois ?» Monsieur Mathias vit frissonner les mains énormes. Il eut peur, regarda autour de lui, cherchant une issue. Une seule, la porte, et devant, Grimbaud, arc-bouté. Tant pis, il fallait passer, à tout prix. Il se rua, criant. Grimbaud, posément, avait avancé sa main ouverte dans laquelle s'encastra la gorge de son agresseur. Monsieur Mathias fut un hoquet et essaya de se débattre. La griffe serra. Monsieur Mathias s'affala, suspendu à bout de bras. Il gigota encore un peu, puis resta immobile. Grimbaud, qui en avait vu bien d'autres, le jeta sur son épaule et l'emporta, de son pas digne et lent de gardien fidèle, jusqu'à la chapelle, le jeta dans la crypte, fit basculer la pierre d'un coup de pied, ferma la grille et reprit sa promenade à travers les tombes, maugréant. « A-t-on jamais vu sortir ? Et ma place ?» C'est ainsi que la veuve de M. Mathias put épouser celui qu'elle avait toujours aimé. C'était M. Mathias par Jules d'Hermina.